je me sens trop haut pour ce monde. Évidemment, je suis au-dessus des lois. Et n'en déplaise à tous ces humains, vous ne serez jamais un casque que je suis. Vous méritez tous une fausse à purin. Vous courez après le succès comme moi, il me suit. Et je ne peux pas vous regarder dans les yeux. C'est indigne pour mes yeux de voir des gens si légers d'amour que pour moi. Et si je peux faire un vœu, ce serait que plus personne ne m'approche de si près. Je suis meilleur que vous dans tous les domaines. Je peux même faire appel à tous les totems. Je pourrais te plier en featuring sur ton son alors qu'on aurait posé sur ton thème. Là, vivre entre moi et vous, c'est qu'un seul mois égale 400 vous. Et vous pouvez faire les 400 coups. Je vous considère quand même comme des gars sans couilles. Et toutes les meufs devraient être à mes pieds. Le jour où je meurs, il sera dur le sevrage. Oui, elles ont pris l'habitude d'apprécier l'intention de curiosité du breuvage. Je suis le seul à avoir de l'amour propre, car seule créature qui mérite d'être aimée. Je remercie le ciel pour tout ce qu'il m'offre. À présent, je n'ai plus besoin d'être aidé. Et si je devais être quelqu'un d'autre que moi, j'ai la réponse en tête distinctement. Je préfère ne pas être tout simplement.